le tâchait. Maman, tu étais si fière en devenant ma mère. J'ai grandi sous tes caresses et ta voix de miel. J'ai connu toute la tendresse toujours sous ton ciel. Quand je suis devenue femme, la vie m'a fait mal. Mais je sais qu'à chaque drame, tu as été la flamme qui me redonnait courage pour me battre encore et me relever sans cesse. Pour aimer plus fort, je t'aime. Je suis repartie plus forte, l'amour au fond de moi. J'ai franchi toutes les portes, j'ai gagné pour toi. Je t'aime.